Bonjour à tous et merci d'écouter le quatrième épisode de ce podcast. Nous sommes le samedi 21 mars, jour 5 du confinement. Peut-être que vous commencez à trouver le temps long, c'est normal. Mais il faut malgré tout respecter le mot d'ordre, c'est-à-dire rester chez vous, même si c'est tentant de sortir, même s'il fait beau. Là où vous êtes, il y a encore trop de gens dehors. Pour que le confinement dure le moins longtemps possible, il faut que la consigne soit respectée le mieux possible, ne l'oublions pas. Donc écoutez des podcasts, celui-ci évidemment si vous êtes passionné de Vendée Globe, si vous êtes en manque de cours au large, vous pouvez participer à la Solo Maître Coq en ce moment sur Virtual Regatta, et puis vous pouvez aussi lire ou relire par exemple les livres de mon invité du jour, puisque donc j'ai décidé de passer quotidiennement un coup de fil à un skipper pour savoir comment il vit ce confinement. Et aujourd'hui j'ai composé le numéro de Fabrice Amedeo, le skipper de Newrest Art et Fenêtre. Salut Fabrice. Salut Alexis. Alors déjà, comment vas-tu? Eh bien écoute, je vais très très bien, confiné comme tout le monde, donc au calme, à la Trinité-sur-Mer, en famille, et voilà, je passe le temps avec beaucoup d'activités, je ne m'ennuie pas, j'imagine en parler. Bien sûr, donc première information, déjà tu es à la Trinité-sur-Mer, tu vis entre la région parisienne et la Bretagne, tu as fait le choix donc, j'imagine, de vivre ce confinement plutôt à la Trinité-sur-Mer. Oui, en fait moi je suis à la Trinité-sur-Mer à mi-temps, hein, entre la région parisienne où j'ai... toute ma gestion de projet, la préparation sportive, les relations partenaires, et puis la Trinité, l'Orient, où il y a le bateau en chantier en ce moment. Et dès samedi dernier, donc il y a une semaine, j'ai décidé de partir avec toute la famille en Bretagne, parce que je sentais le truc arriver. Et je me suis dit qu'on serait mieux en Bretagne à faire l'école le matin et à jouer dans le jardin l'après-midi. Enfin, ça, c'est les enfants. Moi, je travaille l'après-midi. Plutôt que confiné dans un appartement parisien. Donc du coup, parlons-en de ce programme. Le matin, c'est... Tu t'improvises un peu professeur des écoles. Alors ma femme, elle doit pas mal bosser en télétravail. Donc le matin, je gère tout seul la petite vie de famille et notamment l'école à la maison. Donc j'ai trois filles, une en 6e, une en CM2 et une en CP. Je fais l'instituteur sur les maths, le français, enfin voilà, comme tous les parents finalement. Et je crois que ça te plaît. Ouais, ça me plaît pas mal. C'est surtout, en fait, j'essaie toujours de voir du positif dans ce qu'il peut y avoir de négatif. Ça, c'est souvent ce qu'on essaie de faire en course au large. Quand on passe une tempête, il faut toujours s'accrocher à des moments positifs parce qu'il y a toujours des choses auxquelles s'accrocher. Et là, même si je suis inquiet par la situation, même si je trouve que c'est dur, je m'accroche à des éléments positifs. Et le positif, c'est que je passe du temps en famille, qui est du temps précieux, à 7 mois du départ pour le Vendée Globe. Donc du coup, oui, ça me plaît et je passe du temps tous les matins avec mes filles autour des devoirs. Et puis l'après-midi, je travaille sur mon projet. J'ai des projets éditoriaux, j'ai le projet à faire fonctionner, la compta qui souffre un peu en ce moment parce que tout est à l'arrêt. Et voilà. Donc il y a un petit rythme qui s'est installé avec du sport aussi, j'imagine, dans le programme. Oui, du coup, le fait d'être sédentaire, ça permet d'avoir plus de temps pour faire du sport. Donc là, pour le coup, je fais vraiment du sport tous les jours. Soit je vais courir et du coup je pars avec mon attestation comme tout le monde, soit je reste à la maison et je fais plus soit du crossfit, sinon j'ai un vélo d'appartement, je peux faire du cardio, donc je peux faire pas mal de choses. Et en termes de télétravail, qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Tu parlais des projets éditoriaux, dans le détail. Ouais, alors j'ai écrit un livre, hein, qui sera publié en octobre prochain, donc je travaille sur ce livre. Pour le coup, j'étais un peu à la bourre, donc ce coronavirus, ça me permet de rattraper le retard. C'est le meilleur moment pour écrire. Exactement, c'est le meilleur moment pour écrire, notamment le soir, c'est calme. Et après, sur la partie télétravail, en fait, c'est difficile de préparer un bateau au Vendée Globe en télétravail. Nous, on a été impacté assez tôt par le coronavirus, puisque mon bateau, il a été fabriqué chez Persico à Bergame en Italie. Exact. Et mes safrans ont délaminé un petit peu légèrement sur la dernière Transat Jacques Vabre. Et du coup, on avait décidé de les envoyer chez Persico en révision et en réparation cet hiver pour le chantier. Et donc, du coup, assez rapidement, l'Italie et notamment l'Italie du Nord ont été en confinement total. Et donc, assez rapidement, on s'est rendu compte que le chantier allait prendre du retard puisque les safrans allaient être coincés un certain temps en Italie. Ensuite, quand ça a commencé à vraiment arriver en France, comme tout le monde, on a pris des mesures sanitaires qui s'imposaient. Donc, moi, mon bateau, il est chez Gitana. Donc, on a fait très attention d'arrêter de se saluer le matin, de se laver les mains toutes les heures, de garder des distances raisonnables les uns avec les autres. C'est vrai qu'il y avait une grosse responsabilité parce qu'on est hébergé chez Gitana. Moi, je ne voulais pas que le coronavirus arrive... dans le hangar par notre faute, par la faute de quelqu'un de l'équipe. Donc j'avais assez tôt, j'ai réuni l'équipe pour les sensibiliser au sujet. Et puis chez Gitana, ils sont très sérieux, donc ils en ont fait de même, bien évidemment, de leur côté. Et donc ça, c'était le temps 2. Et puis le temps 3, ça a été en début de semaine, les fournisseurs, les prestataires fermant les uns après les autres. le chantier commençait à tourner au ralenti. Gitana a décidé d'arrêter momentanément ses activités et de fermer le chantier. Ils nous ont proposé de continuer, mais j'ai jugé plus raisonnable de continuer, de faire comme eux, donc d'arrêter. Et du coup, depuis mardi soir, l'équipe, chaque personne, chaque membre de l'équipe est chez soi, en famille, comme moi, hein, école le matin, j'imagine, et à attendre de voir un petit peu comment les choses évoluent. On ne pouvait pas se permettre de prendre des risques. C'est vrai que tout le monde doit jouer le jeu, hein, en France. Et voilà, et nous, on ne sauve pas des vies, on fait de la voile. Donc, on n'allait pas faire prendre de risques à qui que ce soit. Donc, voilà, j'ai jugé plus prudent de s'arrêter. Bien évidemment, avec un calendrier qui, comme pour tout le monde, aussi bien les skippers que pour n'importe quel Français, va être aménagé dans les semaines et les mois qui viennent. La mise à l'eau va être retardée. Les courses aussi vont être retardées. La mise à l'eau va être retardée. Il y a une grosse incertitude sur les courses du printemps. J'imagine que The Transat CIC va être annulé. New York Vendée, à mon avis, À laquelle tu ne devais pas participer, The Transat, c'est ça? non, je devais pas y participer, mais bon, je suis quand même bien déçu pour notre sport, hein. Et après, New York Vendée, à laquelle je devais participer suite à un convoyage La Trinité New York, à mon avis, va être adapté au mieux et au pire annulé. Donc voilà, il y a une vraie incertitude. J'espère que ça va passer vite parce que c'est difficile. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour toi dans ta préparation? Dans ma préparation, si on arrive à avoir une belle course qui part en juin ou début juillet, ça ne changera pas énormément de choses. Le 8 novembre sur la ligne de départ, ça ne changera pas énormément de choses. Par contre, c'est vrai que là, on prend du retard, c'est un peu stressant. On est comme tout le monde, on est dans l'incertitude. Il y a aussi une incertitude économique. Est-ce qu'il n'y a pas des entreprises partenaires de nos projets course au large qui vont avoir des difficultés? Et vont-elles pouvoir nous suivre jusqu'au Vendée Globe? Donc tout le monde est dans l'incertitude. Et donc c'est une période assez compliquée. Maintenant, si dans un mois et demi, tout le monde se remet au boulot, tambour battant, qu'on arrive à avoir une belle course de 3 ou 4 000 milles au mois de juin ou fin juin, et que tout se passe bien, le 8 novembre, il n'y aura aucune différence. Il faut rappeler aussi que tu n'es pas seulement skipper, tu es aussi journaliste de formation. Quel regard le journaliste porte sur ce qui se passe en ce moment, sur la manière dont on traite cette information? Ouais, j'ai un regard de journaliste et un regard de citoyen. Le journaliste, j'ai trouvé qu'au début, il y avait quand même pas mal de surenchères de la part des journalistes. Maintenant, c'est vrai que la situation est quand même assez inquiétante et donc je trouve que voilà, l'information est quand même bien traitée et on est arrivé à quelque chose de plus raisonnable. En tout cas, qui me semble plus en phase avec la réalité. Je trouve qu'il y a même pas mal de pudeur puisqu'on a quand même assez peu de reportages sur ce qui se passe finalement dans les hôpitaux et sur la souffrance des gens. Qui ont cette maladie, donc je trouve que c'est plutôt bien. Après, ça rajoute un petit peu d'inquiétude parce qu'on finalement on sait pas trop quoi. Et en ce qui concerne le citoyen, moi je trouve que les gens n'ont pas été raisonnables jusqu'au milieu de cette semaine. On voyait notamment dans les grandes villes et principalement à Paris, les gens qui continuaient à faire comme si de rien n'était. Ça, je trouve ça mais inadmissible. C'est tellement irrespectueux pour les personnels soignants qui risquent leur vie justement pour nous. Et puis même pour nos concitoyens qui sont les plus fragiles. Moi, j'ai des gens autour de moi qui sont fragiles et voilà, je trouve qu'il y a un moment, il faut jouer le jeu. La vie doit s'arrêter et plus on jouera le jeu et plus le temps de confinement sera court. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire les choses à fond. Évidemment, on respecte cette consigne, il faut rester chez soi, on ne sort que pour aller faire ses courses ou éventuellement aller travailler si on n'a pas le choix, pas d'autre choix que d'aller travailler. Pour finir, Fabrice, tu disais que tu essayais de voir le positif dans chaque situation. Quel message positif tu as envie d'adresser aujourd'hui? C'est vrai que en course au large, on affronte souvent les tempêtes. Donc là, il faut courber l'échine dans la tempête et essayer de s'accrocher aux petites lueurs d'espoir qu'on peut avoir autour de nous. Donc moi, ma petite lueur d'espoir ou mes moments de bonheur, c'est justement ce temps en famille à 7 mois du grand départ. Et pour les gens qui n'ont pas la chance d'être confinés dans un endroit aussi paradisiaque que la Trinité-sur-Mer, je pense qu'en ce moment, on a quand même un magnifique anticyclone stationnaire sur la France. Donc regardez le ciel, imprégnez-vous de cette magnifique nature qui nous entoure. Et puis tenez le coup parce que le bout du tunnel, de toute façon, finira bien par arriver. Évidemment, ça arrivera d'ici quelques semaines, on l'espère. Merci beaucoup Fabrice Amedeo, skipper de New Rest Arrêt et Fenêtre. C'était très sympa de prendre de tes nouvelles pendant ce confinement que tu vis donc à la Trinité-sur-Mer. Chaque jour, un skipper du Vendée Globe décroche son téléphone pour participer à ce podcast que vous retrouvez donc sur toutes les plateformes. Les liens pour y accéder sont disponibles notamment sur le compte Twitter CapVG20, en plus évidemment de l'actu quotidienne du Vendée Globe à retrouver sur ce même fil Twitter. À demain!